typiquement des... Je vais pas le faire, t'aimes pas ça. T'aimes pas la dédi. Bon, je me mute. Bon, là j'ai un son moderne et une basse. Nul. C'est un mi mineur ça. m'arrache de tout à l'oreille, alors je sais pas. Je mets sur mon clavier et je suis appuyé sur le... la troisième note. Bon, allez-y, parce que moi je vais faire n'importe quoi avec ce truc. Ah oui, le fameux son là. Le son que j'aime bien là.